Nous avons vu là, oui. Yo dou gon fi la. Ou ta gen ti bagay sa kran kwen la. Sa ta reme pase sa. Mon chèm ba konnen. Ti gon bel ti baskil. Bon van. Alors, son question de jante. Voilà. Ti gon pè jante la, c'est bagay grave. Bel baskil. Atande. Bon le bagay encore côté du ou travail ou l'autre côté. Yo di mon travail nan koko ko. Non, coco, quando eu abdi, o meu moto vai tudo na nuit. Você não é Je vais te faire papier tout noir devant. Et puis il y a une vitaille, il y a une tombe taille. Souhait, toute la nuit. Je vais te faire papier tout noir devant. Et puis il y a une vitaille, et puis une tombe taille. Je dis bon, a dit d'où, qui dans le monde est comme madame Boubou. Oh, ça va pas bon, fait. Bon, belle blague. Vagabond paraît là, madame. Il dit bonjour, madame Coupé. Madame dit bonjour, monsieur. Il dit Coupé pas là. Il dit non, Coupé pas là, pas là. Sauf que vagabond, tout le monde dit. Oh, mes amis, je viens vous couper. Madame dit non, ou pas capable de couper, non? Parce que je suis en règle.